Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Première humanité, celle de la préhistoire, lui doit déjà beaucoup. Lointain successeur du préhistorien François Borde, malgré sa grande modestie, il incarne le renouveau de l'école de Bordeaux et par là même de la préhistoire française. Altaï mongol, Iran ou Arménie, Dordogne ou Tarn-et-Garonne, il œuvre autour de l'homme de Néandertal mais aussi dans les grottes de Cro-Magnon. À cette occasion, j'ai eu la chance de le suivre dans quelques promenades cavernicoles à Pechmerle ou Cugnac, voire aussi Cussac, son art vieux de 28 000 ans, où il entreprend désormais des recherches. Aujourd'hui, sa dernière découverte, copubliée avec 19 chercheurs, vient de paraître dans la revue Nature. Au plus profond d'une grotte, point de Cro-Magnon, mais Néandertal à la lumière des torches. Jacques Jaubert, bonjour. Bonjour Vincent Charpentier. Professeur à l'université de Bordeaux 1, vous œuvrez dans le laboratoire Passea du CNRS et venez de découvrir une étonnante structure au cœur de la grotte de Bruniquel. Jacques Jaubert, Bruniquel est une grotte récemment découverte ? Non, la grotte a été découverte dans les années 90 par un jeune spéléologue de Caussade, Bruno Kowalczewski, et inventorié, expertisé juste après. Et des recherches ont été menées en 92, en 1992 et 1993, par un duo, il faut les citer parce que vraiment leur travail est précurseur et remarquable. C'est François Rousseau, qui est décédé hélas, et Michel Soulier, qui travaille toujours avec nous. Alors nous voici devant deux mondes, celui d'un côté de la spéléologie et non pas de l'archéologie. Il s'agit d'ailleurs de deux univers très parallèles, souvent. Oui, c'est une bonne remarque. Bien sûr, le monde de la spéléologie rencontre de temps à autre celui de l'archéologie et vice-versa. En domaine profond, ce que les scientifiques appellent l'endocar, c'est-à-dire le monde le plus profond souterrain, sans spéléologie, sans spéléologue, l'archéologie est complètement orpheline. Donc nous avons complètement intérêt à collaborer avec les spéléologues qui découvrent, qui désobstruent des entrées pour ensuite faire ce qu'ils appellent des premières. Et parfois, dans ces grottes, quand il ne s'agit pas seulement d'un environnement, naturel, il y a du patrimoine, il y a des vestiges humains, et à ce moment-là, l'archéologie peut intervenir, doit intervenir, et collaborer. Bruniquel est bien sûr dans le Tarn-et-Garonne, domine la vallée de l'Aveyron. Alors c'est une région de confins, nous sommes aux limites de Tarn et de Tarn-et-Garonne, c'est une portion de la vallée de l'Aveyron qui, avant de se jeter dans le Tarn, franchit les derniers escarpements de calcaire du Quercy. C'est une zone très privilégiée, très dense en découvertes, en sites préhistoriques, et depuis très longtemps, depuis le milieu du 19e siècle, plusieurs dizaines d'abris, d'entrées de grottes ont été découvertes, étudiées, fouillées, publiées, principalement pour des périodes un petit peu plus récentes de la préhistoire. Plutôt le Magdalénien, et sur Bruniquel, il y a même des sites très célèbres avec ce fameux cheval bondissant de Bruniquel, des œuvres qui sont conservées au Musée d'archéologie nationale, au British Museum. C'est une région extrêmement prestigieuse. La grotte est aujourd'hui propriété privée, comme d'ailleurs de nombreuses grottes en France. Oui, ça c'est le hasard des propriétés foncières. Ici, on est en domaine privé, effectivement. Nous avons de très bonnes relations avec les propriétaires, mais qui ne souhaitent pas divulguer la localisation de leur propriété pour ne pas être importunés. Et puis également pour protéger cette cavité qui doit être protégée également des visiteurs inopportuns. Et nous avons affaire à un immense réseau, 1,5 km souterrain. Oui, la grotte est assez vaste. Hein. Moi-même, je n'ai pas encore visité la totalité du réseau. Ça paraît toujours assez étonnant quand on indique ça, mais c'est évidemment pour des raisons de protection. Les sols sont truffés d'empreintes, de griffades d'ours, il y a des sols argileux, calcités. Il y a des zones qui sont très difficiles d'accès. Hein. La grotte est très difficile. Hein. Pour la pénétrer, il y a plusieurs étroitures très sévères à franchir, et là, les spéléologues ne nous épargnent pas. Et ensuite, on a effectivement un réseau qui est assez vaste, une grotte qui est magnifique. Hein. C'est d'abord un site naturellement magnifique, avec des lacs souterrains, de la calcite flottante, des draperies, etc. Justement, draperies translucides, calcite flottante, nous voici devant un très bel ensemble karstique, donc. Hein. Oui. Et qui est toujours vivant. Le site est naturellement magnifique. Déjà, avant même d'être confronté au patrimoine préhistorique, le site est absolument splendide. Il impose le respect. Et là aussi, la société spéléo-archéologique de Caussade a magnifiquement géré sa découverte depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, avec des visites très parcimonieuses, très bien encadrées. Le site est bien protégé. Et le patrimoine, donc, suit derrière cette protection impeccable. Qui habite à cette grotte? Surtout des ours? Alors d'abord peut-être des ours, d'abord et puis après des ours, parce qu'en fait l'ours est un habitant habituel du monde souterrain. Alors il y a une originalité à Bruniquel, c'est que nous n'avons pas affaire apparemment à l'ours des cavernes, mais à l'ours brun. Ursus arctos. Alors ça, c'est une première originalité. On le sait pas suffisamment, mais l'ours brun est aussi un habitant des grottes. Et tous les vestiges osseux jusqu'à présent étudiés et identifiés appartiennent à l'ours brun. Il est passé avant et après les hommes, apparemment. Vous avez retrouvé des griffades de cet ours brun, des bauges où il hiberne? Alors mieux vaut ne pas rencontrer l'animal, parce qu'effectivement c'est un redoutable prédateur. Hein. C'est d'abord un concurrent de l'homme dans son milieu, puisque les deux se concurrencent pour habiter les porches des grottes, les fréquenter, évidemment pour des raisons différentes et heureusement alternées. Mais souvent le préhistorien, le paléontologue, est confronté au mélange des vestiges, ce qui indique certainement que les ours et les hommes se sont succédés dans des lieux à peu près identiques et similaires, dans des laps de temps très courts. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une thèse de doctorat vétérinaire et qu'il y a plein de petits animaux qui ont été introduits probablement par cet ours, le lièvre, etc., etc. Oui, à l'entrée de la grotte, il y a un cône d'éboulis qui probablement colmate le porche d'entrée de l'origine. Et donc, cet immense cône d'éboulis se termine sur une salle qui s'appelle la salle des bauges, où donc il y a des bauges. Les bauges d'ours, ce sont donc des nids de vastes dimensions, aménagés par les ours pour hiberner. Et non seulement il y a les vestiges de cette ursidée, mais il y a également effectivement une faune assez diversifiée, différentes espèces habituelles qu'on rencontre dans un contexte similaire. Leur âge n'est pas encore complètement certain. C'est une faune pléistocène, donc d'un âge assez ancien, avec probablement des apports un petit peu plus récents pour les individus les plus modestes. Les sols seraient intacts? Oui, les sols sont intacts depuis la découverte, depuis que les hommes ou les ours ont quitté ces lieux. Il n'y a pas eu de modification majeure, c'est l'avantage du milieu souterrain, c'est un milieu qui est très stable. Il n'y a pas eu d'érosion. Disons que les seuls dommages principaux sont des revêtements de calcite, des revêtements argileux qui peuvent dissimuler certains sols de fréquentation ou des nappes de vestiges que nous ne voyons pour le moment pas au-delà de cette salle des Bauges. À 336 mètres de distance, une étonnante structure avait été repérée. Vous avez réinvesti la grotte pour cette structure? Oui, alors là, c'est à l'initiative de ma collègue belge Sophie Verheyden, qui a visité la grotte avec Michel Soulier et qui a immédiatement eu l'idée de revenir, de réinvestir cette cavité pour essayer de dater cette structure, puisque les prouesses de la datation sont telles qu'on a maintenant des outils que n'avait pas en son temps François Rousseau. Alors, c'est pas une structure, moi je préfère parler de plusieurs structures. Il y a une grande structure principale et une structure annexe un petit peu plus petite. Et après, on a encore quatre autres structures d'accumulation qui sont effectivement à 335 mètres de l'entrée à peu près. Comment ont-elles été édifiées? En cassant de nombreuses concrétions? Oui, alors c'est une autre originalité de Bruniquel, qui en a plusieurs. Le matériau d'œuvre, si on peut l'appeler comme ça, est local. C'est donc de la stalagmite, des stalagmites. Alors, autre originalité, les hommes ont arraché ces stalagmites, les ont fragmentées, sectionnées, tronçonnées, pour les déplacer, les amener, puis les ont agencées pour dessiner cette grande structure annulaire assez étonnante et la plus petite que je mentionnais à l'instant. Et puis après, il y a d'autres tronçons de stalagmites qui sont encore plus calibrés, plus petits, et qui constituent des espèces d'accumulations dans la partie centrale de la grande structure ou sur ses marges. Ça servait à quoi? Ah, Excellente question. Bon, l'archéologue, vous le savez, Vincent, est relativement prudent quand il n'a pas encore tous les outils d'interprétation. Là, on est dans une première phase d'étude. On a déjà relevé ces structures, on a procédé à une photogrammétrie, elle est filmée, inventoriée sous toutes ses coutures. Les 400 éléments qui les composent ont été inventoriés, mesurés, dessinés, etc. Mais nous n'avons pas encore accès au sol archéologique. Tout simplement parce que c'est recouvert, c'est scellé par une épaisse croûte de calcite. Et tant que nous n'avons pas accès à un minimum de ce sol archéologique, nous n'avons pas de vestiges. Donc voilà, on a juste quelques structures qu'on peut, dans un premier temps, décrire. Et puis éventuellement, sous la torture, peut-être procéder par élimination à quelques interprétations sur leurs fonctions. On sait que les hommes de la préhistoire, Jacques Jobert, ont fait des cabanes en os de mammouth, des cabanes en stalactites. Cela est tout de même très très nouveau. Oui, voilà, c'est pour émerger dans un nouveau livre de records avec la construction en stalagmite. Alors, on a même créé un nouveau terme pour l'occasion. En plein air, mais pour des périodes quand même relativement plus récentes. Hein. Les hommes ont effectivement édifié avec ce qu'ils avaient sous la main comme matériaux d'œuvre. Et dans les plaines russes ou ukrainiennes, il n'y a pas de grottes, il n'y a pas de massifs karstiques. Donc, ils ont utilisé des ossements de mammouth ou de grands herbivores pour aménager leur structure d'habitat. De la même manière que par exemple, les Tchouktches, dans le fin fond de la Sibérie, récupèrent des os de baleines pour aménager leurs habitats. Quand on n'a pas du tout de matériaux, on a recours à ce genre d'éléments. Et dans la grotte, il n'y a pas d'ossements, ou pas suffisamment, et les hommes ont eu l'intelligence et la clairvoyance d'utiliser le matériau le plus évident, donc des stalagmites. Face à ces concrétions, vous avez donc créé un nouveau terme, une sorte de néologisme. Oui, donc, on s'est lancé, c'est venu naturellement, en discutant aussi avec les collègues, mais le terme de spéléofacte, qui d'ailleurs depuis a été en partie repris, critiqué, déjà commenté, mais moi je trouvais intéressant quand même de contribuer à identifier ce nouveau matériau qui a pu être utilisé et déplacé par les hommes. On avait déjà quelques indices, hein, dans plusieurs grottes ornées, on connaît des morceaux de stalagmites, des planchers qui ont été déplacés pour faire une marche, pour probablement circonscrire un espace destiné à quelques fonctions. Par exemple, dans les cavernes du Volp en Ariège, on connaît ce genre de choses. Plus ponctuellement en Ardèche, également à Chauvet-Pont-d'Arc. Mais ici, c'est tellement spectaculaire, c'est tellement important que je me suis lancé, j'ai proposé ce terme de spéléofacte. Comment sont assemblées ces concrétions? C'est une vraie architecture? On voit des cohérences? Oui, alors évidemment, la radio, l'exercice est un petit peu virtuel, mais les structures dessinent des formes relativement nettes. Quand je dis relativement, c'est pour ces périodes, on a tellement peu d'éléments d'espace structuré, y compris dans les sites de plein air, que ici, la structuration paraît assez évidente. Donc les éléments ont été agencés, ils ont été alignés, ils ont été superposés, ça forme 2, 3, jusqu'à 4 assises les unes au-dessus des autres. Il y a même des éléments qui ont servi comme des pierres de calage, et donc ça dessine, il y a une très grande structure annulaire qui est complètement fermée et une petite qui est adjacente. Et donc j'indiquais qu'il y avait également des structures d'accumulation en position centrale. Ça fait 112 mètres linéaires, c'est ça? Oui, alors on savait qu'on allait publier dans une revue anglo-américaine et nos collègues sont très friands de chiffres, de données, de statistiques. Il fallait qu'on démontre d'abord le caractère anthropique, le caractère humain, qu'il ne s'agissait évidemment pas d'une construction animale. Donc nous avons inventorié pièce à pièce tous ces éléments structurés. Les 400 éléments, les 400 spéléofactes ont fait l'objet d'une fiche, d'un inventaire, d'une photographie. On est en train de faire un SIG pour mettre tout ça en réseau. Et donc, on a quelque chose d'extrêmement construit, d'assez régulier, qui saute aux yeux de tous les collègues qui ont pu visiter la salle des structures. Toutes ces concrétions ont-elles été cassées? Est-ce que vous avez d'ailleurs retrouvé les lieux où elles avaient été brisées? Oui, en partie. C'est le travail précurseur de François Rousseau et de Michel Soulier qui avaient déjà identifié des zones d'arrachement. Donc, elles ont déjà été en partie cartographiées. On y reviendra pour essayer d'en trouver d'autres, pour préciser tout cela. La plupart des stalagmites ont été brisées, pas toutes. On a quelques éléments entiers, très très grands, hein, plus d'un mètre, 1,20 m, 1,30 m pour la plus grande. Donc, des grandes stalagmites. Il y a parfois également des piliers avec deux colonnes qui sont adjacentes, voire trois. Et puis, la plupart sont quand même même tronçonnés, segmentés, sectionnés, comme pour viser une sorte de standard dimensionnel. On a fait des calculs avec un collègue de Bordeaux, Frédéric Santos, pour essayer de vérifier ça. Donc les hommes ont transporté 2 tonnes de concrétion. La cabane est de forme ovale, avec une sorte de petit appendice sur le côté. On est donc devant une structure complexe et qui est même agglomérée, je dirais. Oui, complexe. On a utilisé ce terme à plusieurs reprises dans le papier de Nature, mais également dans les interviews qui ont suivi. Oui, plus nous revenons sur ces documents, plus le caractère structuré et complexe me paraît assez clair. Donc voilà, je les ai décrites plusieurs fois. Pour le moment, tant qu'on ne tient pas un fil interprétatif et fonctionnel pour ces structures, c'est difficile d'aller au-delà de quelque chose de simplement descriptif en disant « elles sont annulaires, il y a tant d'éléments, ça représente un linéaire de temps ». Ça nous paraissait encore une fois important de calculer ça, parce qu'on ne va pas à 335 mètres sous terre de manière anodine, dans un noir absolu, déplacer entre 2 tonnes 100 et 2 tonnes 300 de matériaux sans un objectif incroyable, enfin précis. Certainement, ils avaient un plan, donc ils l'ont conçu, ils l'ont mis en place, certainement avec un groupe, un collectif, peut-être un donneur d'ordre et puis des exécutants, on peut imaginer ça. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Jacques Jobert, ne pourrait-il pas s'agir d'une bauche d'ours, voire de 2 bauches d'ours? Alors, bien entendu, on s'est posé la question, et la plupart des préhistoriens qui ont déjà visité la grotte se l'étaient posé. Non, les bauches d'ours, définitivement non, les dimensions ne correspondent pas du tout. On a pu le démontrer vraiment très facilement, y compris à des reviewers assez difficiles de Review Nature, qu'il ne s'agissait absolument pas de l'œuvre des animaux. Avez-vous découvert des objets à l'intérieur? On laisse toujours quelque chose. Oui, il n'y a pas encore vraiment d'objets. Disons qu'il y a quelques vestiges, en dehors de tous ces spéléofacts, donc ces éléments stalagmites qui ont été recoupés, qui sont pour moi déjà des objets, puisque voilà, le terme spéléofact nous fait basculer dans le monde de l'humain, dans le monde du construit. Le seul élément archéologiquement distinct, ce sont des fragments d'os calcinés. Alors ça, c'est évidemment très intéressant parce que ça nous indique la nature du combustible, du feu, de l'éclairage. Mais nous n'avons pas encore de vestiges associés autres que les vestiges d'éclairage ou de construction. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous évoquons avec Jacques Jobert, professeur à l'Université de Bordeaux, la découverte d'une habitation préhistorique dans la grotte de Bruniquel, en Tarn-et-Garonne. Le sol est recouvert d'une épaisse couche de calcite. Le sol ancien serait donc aujourd'hui masqué et resterait à fouiller ? Oui, le sol est en très grande partie masqué. Heureusement, pas totalement. Une partie de la zone où sont implantées ces structures est directement accessible. Il y a quelques fragments d'os, peut-être de charbon, qui sont directement visibles dans la partie, alors j'ai plus en tête l'orientation, mais on va dire sud-ouest de cette salle. Et une autre partie à l'extrémité est, elle, recouverte de calcite avec ce qu'on appelle des repousses, donc des stalagmites, qui se sont reformées sur la structure, sur le sol investi. Et donc dans cette partie-là qui couvre les 4/5 des structures, le sol archéologique d'origine n'est pas accessible. Une croûte de calcite entre 2, 3, 4, 5, 7 cm dissimule le sol de fréquentation contemporain. Donc on pourrait faire des fouilles. Eh bien, figurez-vous que c'est dans la vocation de l'archéologie que de faire des fouilles. L'archéologie n'est pas un acte contemplatif et à distance. Même dans un contexte patrimonial extrêmement... qui mérite d'être préservé à vitam aeternam, bien sûr. Mais on doit, je pense, on nous autorisera, j'espère, à pratiquer au moins des fenêtres, des sondages relativement modestes, quelques dizaines de centimètres carrés, au moins pour ouvrir, percer cette calcite et voir quelle est la nature du sol archéologique associé. Ce que vous avez entrepris, Jacques Jobert, c'est avant tout la datation de cette structure. Une date ancienne donnait 47 000 ans, ce qui est déjà très vieux. Aujourd'hui, les méthodes radiométriques ont bien changé, elles ont beaucoup progressé. Oui, tout à fait. Alors c'était supérieur à 47 000 et des poussières. Donc à l'époque, on avait une sorte de terminus. On était plus ancien qu'eux. On se doutait que c'était relativement ancien. Mais une seule date n'était pas suffisante, surtout qu'on est en limite de méthode. Donc on sait que c'était très aléatoire. Alors donc le mérite revient à Sophie, que j'ai citée tout à l'heure, Sophie Verheiden, qui en visitant la grotte a eu l'idée très logique et de revenir sur le site pour essayer de dater d'abord les repousses qui scellent cette structure. structures, donc ça c'est un niveau qui est forcément plus récent. Et puis après, comme les structures sont elles-mêmes composées de calcite, donc le même matériau qui est destiné à être daté, en datant les extrémités des spéléophactes qui ont servi de matériau de construction et dans un même temps les repousses qui les scellent, on pouvait prendre en sandwich l'âge de la construction de la structure. D'où l'idée géniale de Sophie. Quelle date ? Et c'est la surprise d'ailleurs, c'est oui, la surprise. Oui, surprise totale. On raconte à l'envi cette anecdote. J'étais en vacances en Italie quand Sophie m'a téléphoné. Bon, d'abord, on a fait plusieurs dizaines de carottages qu'elle a envoyé, qu'elle a conditionné, qu'elle a envoyé à un laboratoire en Chine, à Xi'an, chez un collègue, Hai Cheng, qui lui a renvoyé un tableau de datation. Elle a remis en forme tous ses résultats. Et elle m'a téléphoné au mois d'août. Elle m'a demandé si j'étais bien assis, si j'allais pas être déstabilisé par le résultat. Et elle m'a annoncé un âge de 176 500 ans. Et donc, il y a eu un blanc dans la conversation. J'ai effectivement marqué un temps d'arrêt. La première question que je lui ai demandé, c'était quelle est la fiabilité de ces âges. Elle est absolument catégorique. Et depuis, on a refait ces âges à plusieurs reprises. On retombe toujours sur la même fourchette chronologique. 176 000 ans à 2000 ans près, c'est bien ça? C'est donc très très précis pour cet âge. Oui, pour ces périodes-là, on estime que c'est d'une précision vraiment tout à fait acceptable. Hein. 160, c'est ce qu'on appelle un domaine d'âge, hein. C'est plusieurs dizaines de dates qui sont dont on obtient une moyenne. On élimine, il y a un résultat qui était vraiment aberrant sur un plan physique et les éléments n'étaient pas suffisants. Le reste des âges tombe systématiquement sur ce 176 500, plus ou moins 2100 exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu cet âge non seulement sur la croûte de calcite qui scelle les structures, sur les structures elles-mêmes qui sont donc très très proches de la croûte de calcite qui le recouvre, mais également sur de la calcite qui recouvre de l'os brûlé, et également sur de la calcite qui a été carottée sur le plancher qui est au centre de la structure. Et tous les âges concordent pour retomber sur cette même fourchette. C'est donc très, très, très vieux. Connaît-on des aménagements, des habitats, entre guillemets, aussi vieux, aussi anciens ? Avant d'égrener les très rares exemples contemporains, quand on dit 176 500 ans... Pour un préhistorien, fut-il bordelais et spécialiste de la question, c'est vraiment ancien, parce que ça veut dire qu'on est au-delà de Néandertal. Hein. Néandertal, les Néandertaliens classiques, c'est entre 100 000 et 50 000, 45 000. Donc là, c'est la période la plus ancienne de la lignée qui nous rapproche de l'origine de la lignée néandertalienne. C'est du pré-néandertalien. Alors c'est... On est à la fin, c'est un petit peu plus récent que les pré-néandertaliens. Ils sont peu qualifiés, ces gens-là. C'est plutôt des néandertaliens anciens, voilà. Alors, pour revenir aux habitats ou aux structures d'habitat plus ou moins contemporaines, peut-être le plus proche, c'est encore la grotte du Lazaret à Nice, fouillée par Henri de Lumley et son équipe depuis bien longtemps, et qui a livré des structures d'habitat qui ont été plus ou moins... contestées par une partie de la discipline d'ailleurs, mais qui sont pas inintéressantes dans un contexte d'entrée de grotte et qui ont à peu près le même âge, légèrement plus récente. Après, il y a d'autres sites en France, en Allemagne, comme Bilsingsgleben en Allemagne orientale, mais à chaque fois, on a des contextes de découverte, d'ancienneté, des travaux qui n'ont pas l'exigence de la recherche actuelle. Les datations sont recevables, on sent qu'il y a de la structuration d'habitat, mais les éléments sont vraiment partiels et c'est très difficile de comparer l'incomparable avec Bruniquel. En Afrique du Sud, on a des nouveaux sites comme Blombos, qui sont des sites très très importants, qui apportent énormément de données à l'archéologie et notamment à la préhistoire. Là, nous serions bien plus récents par exemple ? À Blombos, oui, Blombos représente une période qu'on appelle Middle Stone Age, le paléolithique moyen, et c'est plutôt la phase récente du paléolithique moyen. Donc on est à Blombos entre 130 000 et 50 000 avant le présent. À Blombos, il y a des choses extraordinaires. Blombos n'a pas du tout besoin de Bruniquel pour la célébrité. Il y a des éléments tout à fait remarquables. Hein. Les premiers coquillages, de la parure, de l'ocre, des pointes de flèches travaillées avec retouche pression, après traitement thermique. Donc des choses tout à fait remarquables qui nous mènent sur ce que les préhistoriens appellent de plus en plus des signes de modernité. On essaie d'identifier ces signes de modernité dans un monde qui nous paraissait très archaïque jusqu'à présent. Ce que vous avez avec cette date, c'est la preuve que Néandertal faisait lui aussi de la spéléologie ? Oui, Oui, je pense que c'est l'élément le plus fort de nos travaux à Bruniquel, c'est d'avoir pu démontrer, je pense que nous avons les éléments, ils ont été acceptés par la communauté, j'ai pas vu de discordance sinon marginale, c'est l'appropriation par Néandertal du monde souterrain. Ça, c'est très important parce que jusqu'à présent, cette visite, cette spéléologie, François Rousseau disait la paléospéléologie, l'appropriation, la visite du monde souterrain, qui n'est pas un monde anodin, qui est un monde difficile, étrange, qui peut être peuplé de créatures dangereuses, évidemment les ours, n'était pour le moment le fait que des hommes modernes, avec évidemment les grottes à peinture, à gravure, et jusqu'à présent le curseur s'arrêtait avec les plus anciennes, la grotte Chauvet, Pont d'Arc en Ardèche, à la rigueur El Castillo à 40 000 ans, mais encore discuté quant à l'auteur. Donc on est vers 36 000 ans, 40 000 au maximum. Là, d'un seul coup, on déplace le curseur et on se place à 176 000 ans. Et là, on est chez Néandertal. Atapuerca peut-être aussi en Espagne ? Alors, c'est un cas un peu particulier. Oui, Atapuerca, avec c'est... donc des pré-néandertaliens ? Oui, tout à fait. Là, on peut parler de pré-néandertaliens. Effectivement, Atapuerca, alors il y a plusieurs Atapuerca, c'est un des locus d'Atapuerca qui s'appelle Cima de los Huesos. Et là, c'est effectivement les pré-néandertaliens, Homo heidelbergensis. Et on a 27 ou 28 individus qui ont été accumulés dans... Alors, c'est pas vraiment une grotte, hein, c'est plutôt un aven, une espèce de dépression karstique... une sorte de puits dans lequel voilà se sont accumulés les restes de ces individus. On n'a pas la démonstration que ces hommes les ont déposés au fond d'une grotte munis d'éclairage. C'est une des grandes différences avec Bruniquel, hein, c'est que la notion d'éclairage est omniprésente. À Atapuerca, il n'y a pas d'éclairage, il y a juste un biface qui accompagnait apparemment ces cadavres. Et un biface tout à fait exceptionnel. Les hommes de la préhistoire ont souvent vécu sous les porches des grottes. Est-ce étonnant qu'ils ne se soient pas, une fois ou deux, aventurés dans les profondeurs de la Terre ? Bien sûr, excellente question, mais je pose la question régulièrement à mes collègues spéléologues ou à ceux qui font de la spéléologie scientifique ou sportive et qui courent le monde. Et apparemment, la plupart des populations ne va pas naturellement dans la profondeur des grottes. Il y a beaucoup de groupes pour lesquels cette notion est même taboue. On ne va pas dans ce monde qui est interdit, qui est étrange, qui est difficile, qui est noir. Et donc, il est normal que les hominines l'homme se soit progressivement et très ponctuellement approprié ce monde difficile. Donc voilà, on avait jusqu'à présent uniquement ces informations pour l'homme moderne, c'est-à-dire nous-mêmes. On n'avait pas de démonstration absolue d'une appropriation du monde souterrain par ses prédécesseurs Néandertal. Jacques Jobert, vous avez trouvé aussi des traces de feu ? Oui, ça c'est très important parce que ça nous a bien aidé pour la publication dans Nature, avec les traces de feu, des traces de combustion et non des moindres. Hein. Les premiers travaux avaient révélé deux ou trois foyers, ils appelaient ça des foyers. Moi je préfère utiliser un terme un petit peu neutre de structure de combustion parce qu'on ne sait pas encore très bien les qualifier. Mais nous en avons identifié 18. Elles sont toutes sur les structures, sur la grande structure annulaire, sur la plus petite structure annulaire et sur les quatre structures d'accumulation. C'est très étonnant parce que les feux sont comme posés sur ces constructions. Elles ne sont pas placées au centre sur un sol d'habitat, comme dans les habitats justement, mais sur ces structures. Donc on est plutôt sur une interprétation à vocation d'éclairage. Reste la vraie question. Comment interpréter cette étonnante architecture ? A-t-elle une vocation fonctionnelle ou tout au contraire cultuelle ? Pour ne pas dire rituelle, les archéologues ne pouvant pas définir les rites. Eh bien là, mon seul espoir, c'est que l'émission touche à sa fin et que ça me permette de court-circuiter cette question. Mais bon, bien entendu, j'assume. Mais certains collègues ont déjà interprété le site. Brian Hayden, par exemple, identifie un aspect cultuel à Bruniquel. J'estime que tant qu'on n'a pas les éléments archéologiques, tant qu'on n'a pas touché le sol archéologique et ses vestiges, c'est vraiment trop difficile de répondre à cette question de manière catégorique. On peut tout dire et n'importe quoi. Jacques Jobert, merci. Thank you.